Salut Philippe. On a deux Philippe maintenant. Ouais, tu m'entends en fil? Ouais. Il y a du souffle. Un léger Voilà. souffle. Attends, je vais baisser. Tu m'entends bien sinon? Ouais. Mais là, on n'entend plus. C'est le problème. On entend les grillons. Là, on entend toujours les grillons? Demande On les entend toujours? l'air de chanter moins fort. Là, il n'y a plus de souffle, là. Si? Ouais, toujours, ouais, mais Ouais. ça va, ça fait une ambiance. Oh, c'est chiant. Non, il n'y a plus de souffle, mais Moi, hein. on entend bien les grillons en fait. Ah, d'accord. On se croirait Ah, ben, en camping. non, mais ça veut dire que le micro marche quand même. En fait, Eh, j'ai trop de fois. Thank you. Thank you. 2, 2, 2, test. On m'entendait toujours. Thank you. Thank you.